de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Oui, mais encore. Cette semaine, au Mathieu Blanchot. Dans Télévision, dans la télé-réalité Sexbox, les gens font l'amour devant public. Comme on dit, pour pas être stressé devant public, faut s'imaginer tout nu et avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. Dans Segment Geek, c'est Alex avec Feel Real, l'odeur et l'air s'ajoutent à la réalité virtuelle. Il va manquer le goût et je vais pouvoir me lancer dans, avec mon simulateur de mangeage de chips. Et dans Merci Science, le genre humain serait plus vieux de 400 000 ans. Le Mathieu Blanchot commence tout de suite. Et voici celui qui vient de révolutionner la perte de poids avec son simulateur de chips, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante pour la semaine du 9 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, l'émission, la chronique télévisuelle Télévision, le segment geek, CLX, c'est un fait, Tech Edition et la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science. On va aussi continuer notre nouvelle série musicale Spin Dash Supersonic Remix Album from Game Chats. Mais pour commencer l'émission, ça va être le moment de la chronique sur les jeux vidéo. Avant de commencer avec la chronique sur les jeux vidéo, juste une parenthèse sur on est rendu en quelle année, Samuel Girard? 2015, je pense. Oui, 2015. Comment ça fait que l'ordinateur n'est pas capable, alors qu'il a été fraîchement arrangé dimanche? Il est reparti à zéro dimanche, ok? Je l'ai réinstallé au complet. Et il y a eu. J'ai fait toutes les mises à jour de Windows, les mises à jour de l'antivirus. J'arrive hier, mardi, en studio. Il y avait déjà des mises à jour de Windows et de l'antivirus. Je les ai faites. Et là, j'arrive aujourd'hui et il y a encore une mise à jour de l'antivirus. C'est bien, hein? C'est bien, hein? On peut-tu faire de la radio à la place d'attendre que l'ordinateur soit capable de gérer l'antivirus en même temps que le reste? Ben, moi, j'attends juste ça. Sérieusement? On est en 2015. Ah, mais si tu veux, je peux te prêter une brique. Une brique? Ouais. Pour la lancer dedans, j'aimerais ça. Ben, je peux pas croire que l'antivirus empêche l'ordinateur de fonctionner comme ça. J'ai de la misère à le croire physiquement. Ben, à moins qu'il manque de mémoire vive. D'après moi, c'est ça. Je veux dire, t'es pas supposé avoir ton ordinateur ralenti à cause de ça. C'est pas normal. Je la comprends pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère que votre ordinateur va mieux que tous les ordinateurs. Là, c'est fou en ce moment. Donc, c'est le moment, comme on l'a dit, de la chronique sur les jeux vidéo rétro avec Samuel Girard. Ah, salut Samuel. Hey, bonjour. Ça va? Oui, numéro 1. Ah, génial. Comme mieux que l'ordi. Ah, ben c'est ça, tu sais. Ça rajoute un petit peu de stress dans la vie. Tu sais, on a besoin de plus de stress dans la oui. vie. Tout le monde ben, le sait. Ça peut pas être pire que ce qui m'est arrivé quand que j'ai remplacé Alexandre Marchand dans son émission Matière Noire. Ouais, bonsoir. On venait de faire un bloc pour parler. On parlait d'un spectacle. On a parlé pendant 10 minutes. Okay. Pendant ce temps-là, je place les chansons qui vont jouer dans le bloc. Ouais. Et là, on finit de parler. J'arrive pour faire commencer à jouer la chanson. Et l'ordi gèle au complet. Non. Quel genre de gelage? Genre écran bleu? La souris bouge plus. Hein? Je peux plus rien faire. Puis d'habitude, quand la souris gèle, on peut commencer avec les flèches Enter à se promener quand même sur l'ordi. Là, même ça, ça marche pas. Le Ctrl Alt Delete ne fonctionne pas non plus. Cette semaine, ça? Non, l'autre semaine d'avant, je pense. Ouais, c'est pour ça qu'il était dû à changer dimanche. Et c'est ça. Puis là, on vient de faire notre bloc pour parler. Ouais. Donc là, on n'a plus rien à dire sur le sujet. Il faut que je redémarre l'ordi. Non. Ça a été En tout cas, c'était incroyable. Et j'avais à ma compagnie quelqu'un qui fait pas beaucoup de radio. Ouais. Et là, je le regarde, je dis, là, tu te rends compte, faut parler. Remplissons du temps. Et là, moi, faut que je me penche pour aller débrancher l'ordi parce que même le bouton power ne fonctionnait plus. Arrête. Je pouvais pas le redémarrer avec ça. Ben non. Fait que c'est toi qui parles pendant que moi, je me penche pour aller tirer sur le fil. Ah, wow. Mais c'est... ça a donné tout qu'un moment de radio. C'est que ça arrive jamais, en plus, ces affaires-là. Jamais. C'est des affaires vraiment spéciales. C'est la première fois que ça m'arrivait. Puis pourtant, j'ai fait pendant une été complet une émission musicale. Ouais. Là, ça fait deux fois que je remplace Alex le mardi soir. Ouais. J'ai mon émission le jeudi, j'étais le lundi. Ça m'était jamais arrivé. Non, C'est spécial. Les mais là... c'est vraiment particulier. Mais bref, ouais. Cela étant dit, on parle aujourd'hui de Metroid. Oui, oui, exactement. Super. Alors, Metroid, un jeu qui a marqué ma jeunesse parce que quand que j'allais chez mon oncle et ma tante, c'était le seul jeu qu'il y avait pour Nintendo. Ben, en fait, il y avait les jeux de Mario, mais vu que c'était les mêmes que chez moi, ben c'était pour faire différent, ben, je jouais à Metroid. Mm-hmm. Metroid que j'ai jamais terminé. Okay. Peut-être que je m'y mette un moment donné sur le projet de terminer Metroid. T'es pas un complétiste, je pensais que tu voulais finir tout ce que t'entreprenais. Oui, mais étant donné que j'avais 5-6 ans, j'étais peut-être moins... Ton niveau de capacité... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, à terminer un jeu. Mm-hmm. Et j'avais moins de mémoire pour la position des pièces et tout ça. Comme l'ordi du studio. Compare-moi pas à cet ordi-là, c'est méchant. Un point pour moi. Je te le donne. Donc, c'est ça. Donc, quand même un jeu qui a marqué ma jeunesse. Alors, aujourd'hui, je vous parle de Metroid. Mm-hmm. Et du même coup, je vais vous parler aussi de Super Metroid. Ah. Super Metroid que je n'ai pas encore joué. En fait, il vaut cher, mais j'ai réussi à avoir une copie gratuite. Okay. C'est payant être bon consommateur sur un site internet. Ah, c'est un petit bonus, quoi. Exactement. Okay. Donc, quand tu accumules pour tant de commandes, ben, ils te laissent choisir dans une banque de cadeaux. Okay. Et puis, j'ai pas été fou. Moi, j'ai pris Super Metroid. C'est ça, un bon choix. Oui, c'est ça. Donc, un jeu qui vaut quand même beaucoup. Mm-hmm. Je sais pas s'il est peut-être entre 60-80$ aujourd'hui. Faudrait que je revérifie, les prix changent tout le temps. Ouais. Mais maintenant, j'ai vu dans ce coin-là. Puis même un autre cadeau aussi que j'ai eu, c'est Chrono Trigger. Ah? Le jeu vaut 120$. Wow. Gratuit. Cool. C'est génial. Sur quel site tu magasines juste pour faire... LuckyGames.com. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Cool. Ouais, c'est ça. Donc eux autres, quand tu peux accumuler des points, puis à un moment donné, t'échanges ça, mais ils ont des beaux prix. Quand on dit que tu peux pogner des jeux de même. Là. Ouais, ouais. Donc, wow. C'est ça. Alors, Metroid 1986 au Nintendo et Super Metroid 1994 au Super Nintendo. La génération suivante. Exactement. Alors, je vais y aller avec Metroid. On va y aller dans l'ordre comme ça. Le titre Metroid est la combinaison des mots Metro et Android. Ah, il n'y a pas des Metroid là-dedans. Non. Non, bien essayé pareil. Dans le livret de jeu, le personnage est décrit avec un I, donc H-E. Okay. Ouais. Même au si masculin. S'agit d'une femme. Mm-hmm. Bon, c'est pas avant la fin du jeu. Ben, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que vraiment il voulait garder le mystère? Ouais, probablement plus ça. Parce qu'il y avait pas de jeu beaucoup avec des héros féminins à ce moment-là. Ben, encore aujourd'hui, c'est plutôt trop rare encore. Trop rare. Ben, au moins, il y en a plus. Ouais, il y en a plus. Mais honnêtement, moi, c'est pas qu'est-ce qui fait la différence entre j'achète le jeu ou non. Non. Là. Moi, ça change rien, là. À moins qu'on détruise un personnage existant juste pour dire qu'on a mis une femme, là. Ouais, ouais. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais sinon, peu importe, il faut que l'histoire soit bonne. Exactement. Ouais, c'est ça. Et j'aime les jeux si on a le choix. Oui, ben oui, c'est ça. Ben le oui. Meilleur des deux mondes. Ben exactement. Pourquoi pas? Dans le jeu, il y a 3 salles inaccessibles qui se trouvent dans le niveau Norfair. Là, les experts du jeu vont connaître un peu plus s'il s'agit de quoi. C'est toutes des copies des salles qui sont accessibles dans le jeu. Donc j'ai l'impression moi qu'ils faisaient des essais un peu dans des endroits isolés. Et puis là, quand la salle était à leur goût, ils faisaient un copier-coller. Là. Et il y a peut-être des salles qui n'ont pas été enlevées justement de ces essais-là. Donc c'est la seule chose que je vois. Donc il y a des gens à hackant le jeu, ils ont trouvé ces endroits-là. Ouais. Dans la version japonaise du jeu, il y a 3 sauvegardes dans le menu de départ. Pareil comme dans The Legend of Zelda. Dans la version américaine, il n'y a plus ce menu-là, donc on peut juste jouer une partie, pas de sauvegarde. Et par contre, ça a été remplacé par un accès avec des mots de passe. Ben oui. Ce que donc, tout le monde déteste depuis toujours, les mots de passe avec beaucoup trop de caractères. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais faut croire que la version américaine, c'était comme ça. Ouais. J'aurais aimé mieux, moi, les sauvegardes, ben en oui. prendre plusieurs. C'est sûr. Mais non. Non. Non. au départ, le jeu devait s'appeler Space Hunter au lieu de Metroid. Dans le livret, le titre de Samus est aussi Space Hunter au lieu de Bounty Hunter. Ah, OK. Le problème... c'est que fallait qu'ils se dépêchent de sortir le jeu et ils n'ont pas corrigé le livret. Donc, si vous avez le livret original, eh bien, c'est encore écrit Space Hunter au lieu de Bounty Hunter. C'est mon rêve de chasser des barres Bounty au coconut. Oh, c'est bon, ça. Voir que mes points comme ça te font penser à des affaires de même. Mon cerveau, ça. Ah, c'est... Il y a aussi peu de mémoire que l'ordinateur du studio. Running gag! Running gag! Donc, bon, c'est fou. Le son, quand que Samus ramasse un objet, est similaire à celui de... Là, je sais pas comment prononcer le titre du tout. Wise Eye, Ancient Wise Vanish. Mais là, c'est-tu Wise 1? Je sais pas, c'est-tu le chiffre romain? J'ai aucune idée le titre se prononce comment, c'est juste bizarre. OK? C'est l'extrait 1 que je t'ai amené. On va écouter les deux thèmes différents. OK. Et tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Parfait. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ouais. Sont faites dans le même moule. Oui. Ok, je suis pas prêt à dire que c'est des copies. Non, on voit exactement la même note, mais au moins dans la même, progression. C'est ça, exactement. Ouais. Mais là où je me suis posé la question, est-ce qu'il aurait fallu que j'aille chercher la version japonaise du son? Aha. Parce que je suis tombé là-dessus par hasard ce matin, on a écouté un petit peu la trame sonore du jeu, et j'ai remarqué qu'elle était différente au Japon. Okay. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu que j'aille chercher l'extrait du jeu japonais? Peut-être que là, il y aurait eu plus de similitudes. Je le sais pas. Ah, t'es en train de me dire, donc ce qu'on écoute là, c'est les thèmes de la version, je crois, japonaise, parce que le compositeur s'appelle Hirokazu Tanaka. Non, c'est les versions américaines. C'est les versions américaines, c'est quoi? Ouais. Okay, mais c'est le même compositeur pareil. D'accord. Mais il y a des différences pour certains thèmes. Okay. Ok. Donc, exemple, le thème d'intro est pas pareil pour les deux versions. Okay. Mais c'est le même compositeur pareil. D'accord. Ensuite, Samus devait avoir deux animations selon si vous promenez à gauche ou à droite. Ouais. Ok. Finalement, l'idée a juste été utilisée pour Super Metroid ou Super Nintendo. Qu'est-ce qui est bizarre, c'est que quelqu'un qui va fouiller dans le code, eh ben, tout est là pour le faire. Ah! Ils l'ont juste pas utilisé. Ouais, c'est ça. Okay. Mais t'as vraiment Samus différent, dépendant s'il va vers la gauche ou vers la droite. La boîte du jeu indique qu'il s'agit d'un two-player alternating game. Ouais, ben n'importe quel jeu peut être à deux joueurs si t'alternes les manettes, là, non? Mais ouais, c'est ça. Mais encore là, ça c'est comme exemple à Mario, on peut brancher deux manettes, ouais. On peut jouer à tour de rôle avec un qui tenait la manette 1, un la manette 2. Ouais. Y a pas ça. Non. Dans Metroid. Il s'agit soit d'une erreur d'impression ou une erreur lors de la traduction. Le premier mode multijoueur est uniquement dans Metroid Prime 2 Echoes qui est sorti en 2004. Oui, c'est récent ça, ouais. Ouais. Par contre, si on triche un petit peu, on pourrait dire qu'il y a le mode multijoueur qui est accessible dans Super Smash Bros. Au Nintendo 64 en 99 et dans Super Smash Bros. Melee au GameCube en 2001. Ouais. Mais là, c'est pas un jeu de Metroid. Pas sûr que ça fait partie de l'histoire. De c'est juste parce qu'on peut jouer avec Samus. Okay. le co-créateur de Metroid, Yoshio... Ok, c'est ça. Sakamoto a révélé que le jeu est fortement inspiré du film de 1979 Alien. Ah. Les deux ont une femme comme personnage principal. L'ordinateur de Nostromo est référé comme étant Mother, alors que l'antagoniste dans Metroid est Mother Brain. Ouais. Les Xenomorphs et les Metroid ont chacun plusieurs stades de développement. Et le boss Ridley a eu son nom en l'honneur du directeur d'Alien, Ridley Scott. Wow. Ah. Il y en a plein d'autres. Si vous fouillez, il y en a qui ont la liste pourrait continuer comme ça. J'ai sorti les principaux, mais c'est incroyable le nombre de similitudes qu'il y a entre les deux franchises. Je trouve ça intéressant. C'est comme un hommage. Ouais, c'est ça. Oh. Ça, un hommage. J'aime le mot un hommage. Ouais, ça. On va passer à Super Metroid maintenant. Ok, ok. T'as-tu une autre trame sonore pour Super Metroid? Tu me donnes 3 secondes puis je te sors ça, moi. Là. Hey, 3 secondes? Ben, t'es plus vite que l'ordi, là. Oui, ben, je pense que mon cerveau est pas mal plus rapide que l'ordi, mais c'est pas dur à battre. Hein? T'sais? Fait que lave-la, ta trame sonore de... Génial! Ouais. Alors, je peux me lancer dans mes informations de Super Metroid. Dans la version japonaise, quand que Samus meurt, elle va crier et son armure va exploser, révélant son corps nu. Oui! Oui. Oui. Oui. Oui. Essayez. Le meilleur moment des jeux vidéo. Ouais, ne fantasmez pas sur Samus, s'il vous plaît. C'est pixelisé pas mal pour fantasmer dessus. Ouais, mais c'est quand même SNES, donc mieux qu'au NES. Ok, oui. Bon. Dans la version américaine, le cri a été retiré et Samus porte du linge sous son armure. Ah, ben oui, hein. Tellement prude. Ils sont plates, les Américains. En même temps, c'était pas c'est sorti au Super Nintendo. Je crois que c'est Nintendo qui était très, très. Il censurait beaucoup d'affaires à l'époque. Oui. Pas mal plus. Oui, effectivement. Mais dans la version japonaise, c'est accepté. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, la culture est différente. C'est vrai. Et j'imagine aussi que la façon dont ils cotaient les jeux était différente aussi, dépendait de la région dans laquelle on se trouvait. Je me demande s'ils cotaient les jeux à l'époque. Je pense. Je sais même pas si le ESRB était déjà. Ça se peut. Tu as trouvé ça rapidement. ESRB, ça date de quand? Je serais curieux de le savoir. Durant le combat contre Ridley dans le niveau Ceres Space Colony, si vous réussissez à frapper suffisamment votre adversaire, il s'envolera en échappant le bébé Metroid. Il reviendra ensuite le chercher et s'envolera ensuite normalement et la scène d'autodestruction de la colonie va débuter. Donc, si vous réussissez pas ce truc-là, ben là, vous allez avoir la scène normale où il s'envole et la colonie est autodétruite. Mais si vous réussissez, qu'est-ce que je viens de vous expliquer, vous allez avoir comme une partie de plus. OK. Donc, étrange, mais c'est ça. Ouais. Le ESRB, en passant, fondé en 94. Ok, donc ça veut dire c'est ça. Donc c'est juste après la sortie du de Super Metroid. Okay, donc ça expliquerait. C'est bon, merci de l'info. Ça me fait plaisir. En entrant dans la pièce qui contient le Golden Torizo, dans le niveau Ridley's Lair, tenez la flèche du bas. je sais pas exactement si c'est la flèche du bas. Il disait juste press the face button. C'était comme pas clair. Face button, ça ressemble à juste un bouton qui est comme en avant de quelque chose. Ouais, mais c'est pas ça. Un bouton précis. C'est mais on, le... okay, fait qu'on va y aller avec le face button. Ouais. Parce que moi, je m'étais écrit ça comme note, mais je pense que j'ai oublié de revérifier mon parce que mon sinon, info. Serait, ouais, je sais pas. Ouais, sinon, pas c'est quand tu veux te pencher. Ouais. Donc, ce truc vous donnera tous les upgrades des armes, sauf le screw attack qu'on obtient à la fin du jeu. Ah! C'est bizarre, ça. OK. Donc, il y en a qui peuvent utiliser ce code-là juste pour se remplir... D'être super puissant à partir de ce bout-là. Eh ben, il y a un site web qui s'appelle ScrewAttack.com qui fait des bonnes affaires. Je savais pas que ça venait de Metroid, ScrewAttack. Ben, ça vient peut-être pas de Metroid. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui peuvent donner ça ScrewAttack. Peut-être. Peut-être. Ah, en tout cas. Mais ça se peut. Je suis curieux de savoir l'origine. Ben voilà. Est-ce que c'est une affaire de jeu vidéo? Peut-être. Oui, c'est une affaire de jeu vidéo. Ouais, ouais. Dis pas peut-être si tu connais le site. C'était peut-être la question d'avant. OK. Tu sais, je suis pas si rapide que ça dans mon cerveau non plus. Des fois, je réponds à la question d'avant. Ça, c'est comme les blagues sur Internet Explorer. Que, exemple, tu veux, il te montre Mozilla Firefox et Google Chrome qui dit aux gens joyeux Saint-Valentin. Pour ça, t'as l'icône de Netflix Explorer qui fait comme bonne année. Tellement en retard sur toi. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça avec ta réponse qui venait pour la question d'avant. Très bon. Il y a une autre façon de vaincre le boss Dragon. Si vous détruisez le canon sur le mur et que vous vous agrippez à l'électricité avec votre grapple beam, okay. Pendant que Dragon est accroché après vous, ouais. Ça fait beaucoup de conditions, mais ça a l'air que ça se fait. L'électricité passera à travers Samus et tuera Dragon en quelques secondes. Ouais. Donc, façon rapide de vaincre le boss. Mm. Mais je suis en train de me dire, ça doit demander assez de synchronisation pour réussir... Ce truc-là. Sinon, il y a la façon normale de le vaincre. Mais bon. Ça, c'est plate. Ouais. On l'a déjà fait. Ouais, c'est ça. À la sortie du jeu, il s'agissait de la cassette contenant le plus d'informations, soit 24 mégabits. OK. Mégabytes, ouais. Ouais, genre. Ouais. Sinon, j'ai mal dit, mon... C'est pas grave. ouais, c'est ça. J'ai pas eu de comparatif avec d'autres jeux. Mais c'était la plus grosse cassette avec le plus de mémoire dedans. T'sais. Ouais, c'est ça. Il y a plus de mémoire là-dedans que dans l'ordinateur du studio. On va le lâcher pour persécution. Ben ouais, c'est ça. Il va te poursuivre pour harcèlement. C'est ça. À la fin du jeu, il est possible de sauver les Etekoons, la créature qui apprend à Samus le wall jump, et les Dakora, la créature qui apprend à Samus le super boost jump. Mm. Cela se passe lors de la séquence d'autodestruction après avoir vaincu Mother Brain. Ces créatures sont présentes dans Metroid Fusion, qui se passe après Super Metroid. Dans ce jeu, ce sont ces créatures qui sauvent Samus de l'explosion d'une station. Ah. L'affaire que je trouve particulier, c'est qu'un joueur normal qui suit l'histoire ne connaît pas ce truc-là et ne réussira pas à sauver ces créatures-là. Donc, ça veut dire que la suite sous-entend que les joueurs devaient accomplir ça. C'est quand même spécial comme paradoxe de texte que tu peux avoir. Ouais. Ah non, mais là, c'est parce que je jouais à ce jeu-là, mais c'est parce que je les ai pas sauvés dans le jeu d'avant. Donc pourquoi ils sont là? Ouais. Oh. Étrange, ça. C'est très étrange. Ouais. Je trouvais ça beau comme un peu paradoxe. Ah ouais, ouais. C'est spécial. Mm. Donc, c'est ça. Donc, s'il y en a que ça fait travailler un petit peu leur cerveau, ils vont dire « Ah ben oui, c'est vrai! » Peut-être qu'ils disaient que les gens prendraient pour acquis qu'ils ont été sauvés à quelque part. Peut-être qu'ils devaient l'entendre par quelqu'un, que ça pouvait avoir lieu dans le jeu. Je sais pas. Je suis passé à un expert de Super Metroid pour pouvoir te dire exactement dans quel contexte ça se produit et comment que c'est présenté aux joueurs. Peut-être qu'on a un choix à faire puis que, dans le fond, c'est clair qu'on peut le faire. Je sais pas. Peut-être. Faudrait qu'à un moment donné, je le fasse le jeu pour... Ben, le finir, là. Ben oui. Non, c'est le premier qu'il faut que je finisse. OK, oui, oui. Faut que je finisse Metroid. T'as fini Super Metroid? Non. J'ai jamais joué à Super Metroid. Ah, c'est ça, OK. Oui, okay, c'est ça. Excuse-moi, je suivais pas. Là. J'ai juste acheté. Tu l'as acheté, mais tu l'as pas joué. OK, je crois. Encore là, je l'ai pas acheté, je l'ai eu gratuit. Mais c'est pas grave. C'est ça l'histoire de tantôt, ouais. Ça, je me rappelle. En tout cas, j'ai les jeux. OK. Mais à un moment donné, il faudrait que je mette du temps pour vraiment. Les jeux plus récents, est-ce que t'as joué un peu aussi? Non. Prime. Non, je suis vraiment. Comment dire, j'ai pas de culture vraiment avec la série Metroid. C'est ça. Donc là, je n'ai appris beaucoup en faisant cette chronique. Ben c'est ça. C'est comme moi avec à date pas mal toutes les séries. Tu nous mentionnes. Le Etekoons qui apprend le wall jump à Samus chante le thème de l'amélioration d'un objet avant la démonstration. C'est bizarre. Okay. L'apparence de Samus est inspirée de l'actrice Kim Basinger. Ok, l'actrice célèbre. Oui. Mm-hmm. Ouais, ça, beaucoup de gens la connaissent. Ouais, c'est ça. Donc, ça a l'air que ça a été inspiré de ça. Ouais. Quand tu parlais de jeux à essayer, finalement, as-tu fait essayer un des quatre jeux que j'ai présentés? Sérieusement, j'ai un chroniqueur de série télé aussi, à Assemblage Requis, oui. Matin, qui me demande à chaque fois, es-tu allé voir la série que je t'ai dit? Non. Est-ce que tu as joué au jeu que j'ai... Non. Est-ce que tu as écouté la musique que je t'ai suggéré? Non. J'ai trop de propositions. Je m'écroule sous les propositions, mais tout ça m'intéresse. Ben, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné avec ça, c'est que les gens me proposaient beaucoup de choses. Puis ouais. Je regarderai ça un moment donné. Tu mets ça dans la pile. Mais encore là, ça a pile dans ma tête. Ben c'est ça. Faut que tu le mettes à quelque part. Ça, c'est important. Exactement. Donc là, depuis peut-être un an, je me traîne une liste. OK. OK, ben dans mon cellulaire. Et chaque fois que quelqu'un me parle d'un groupe de musique, oui. d'une série télé, d'un jeu à essayer, je me suis fait des listes pour chaque dans mon cellulaire et je m'y note. Oui. Là, les listes sont grandes, mais au moins, je n'oublie pas les titres. C'est très important. Moi, j'utilise des signets dans mon furteur Internet. Ah, ben aussi. Une page ben quelque c'est, chose c'est là-dessus. C'est très bien. Ouais. Mais la, c'est ça, ma c'est liste de produits à acheter est particulièrement longue. C'est, des pages et des pages. Ouais. Ben, c'est bien. Mais c'est ça, au moins, je suis à jour là-dedans. Je sais que c'est là. Et un oui. jour. C'est excellent. C'est ça. Faut se trouver des trucs, hein. Ben c'est ça. Pour vivre nos intérêts et justement pouvoir partager avec les gens autour de nous qu'est-ce qu'ils nous proposent. Nos trop nombreuses passions dans la vie. Oui. Mais ouais. C'est correct, j'aime mieux ça que de ne pas avoir de passion. Exactement. Mais c'est pour ça, entre autres, que je vais même pas commencer à apprendre en note des films. Parce que si je me rajoute un autre domaine que les jeux vidéo, la télé, la musique, je vais complètement. Ouais, m'écouler. Ben c'est pour ça que j'y vais avec souvent les films, j'y vais avec des affaires plus connues ouais. ou des choses qui ont un lien avec des intérêts que j'ai ailleurs. Exact. Tu sais, quand ils décident de faire des films de jeux vidéo, ouais. des affaires qui viennent de livres, ou ouais. des choses vraiment intéressantes que les gens connaissent déjà, ça, je vais être tenté de. Ou les adaptations des films de super-héros. Ouais. Ça aussi. Mais à un moment donné, si je m'embarque dans trop de choses, effectivement, on s'en sort plus. On se noie. Oui, mais là, ça n'a pas paru, mais j'ai fini ma chronique sur mes traits. Arrête donc! On a débordé sur un autre sujet, mais j'avais terminé! Je pensais que c'était une parenthèse dans le milieu. Non, c'est une parenthèse de fin. D'accord. Oh! Ben, ça doit être n'importe où, des parenthèses dans une formule mathématique, hein, c'est ça? Oui. Oui? Oui. J'imagine c'est plus toi qui le saurais que moi. Ben, c'est drôle parce que hier, j'ai fait des blagues de formule mathématique dans l'émission Matière Noire, vu que la matière noire est quelque chose que les physiciens utilisent beaucoup. OK. Et puisque Alex n'était pas là, j'ai dit que Alex imitait la matière noire et était absent de l'équation. Ah, c'est beau. Oh! Rien ne se perd, rien ne se crée. Il va être de retour. Ouais, exactement. Tout se transforme. Voilà. Donc, Samuel Girard, des choses intelligentes comme ça, vous pouvez l'entendre à Génie en liberté les jeudis matins entre 9h30 et 11h. Exactement. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Cette semaine, on parle d'astrophysique. Okay. Justement, on parlait de matière noire. Donc, et d'intelligence. Justement, donc on va parler de calendrier. Si on se base sur les rotations autour du Soleil, autour de la Lune, on va parler de Mars, l'exploration de Mars. Okay. Sinon, je reçois des gens de l'équipe gagnante du Startup Weekend, oui. qui a été couvert dans le journal étudiant, que j'ai couvert ça. Dans mon émission, mm-hmm. l'événement est passé. Et il y a des participants qui vont venir nous rencontrer demain. Cool. Alors ça, j'ai bien hâte. Et sinon, on va jaser de politique, on va débattre d'idées. Ça va être très, très intéressant. Crime, c'est cool ça. Jeudi matin, 9h30 à 11h. Oui. Génial Liberté. Eux, c'était le Startup Weekend. Nous, et dernier gag là-dessus, nous, c'est un Shutdown Weekday. Oh! Yeah! Une petite dernière pour la route. T'es incroyable! J'aime ça de même. Une chance que t'es là. Alors, à dans deux semaines pour le prochain jeu. À dans deux semaines, merci beaucoup, Samuel Girard. Ça fait plaisir. On se quitte avec quelques petits extraits encore de Super Metroid, la trame sonore. On écoute The Space Pirates Emerge et on se retrouve après la pause au Mathieu Planchot. changement. Vous êtes dans la zone 89.1. C'était la pièce Item Room, précédée de Chozo Statue Awakened sur la trame sonore de Super Metroid au Super Nintendo. Vous êtes au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et maintenant c'est le moment de Television. C'est Television, la chronique dans laquelle on parle de télé depuis les 7 derniers jours. Au Québec, on saute par-dessus la plupart des gros sujets parce que Colin, tout a fait le tour, c'est certain. Mais je tenais quand même à glisser un mot par rapport au retrait de SNL Québec. À la suite de l'annonce dans la presse du non-renouvellement de l'émission SNL Québec par Télé-Québec faute de budget, un mouvement de solidarité a émergé sur le web afin de sauver la populaire version québécoise de Saturday Night Live. Je cite, « Éteindre SNL Québec, c'est accepter le manque d'options. C'est se mettre un pied dans un engrenage où les mêmes visages avec les mêmes discours valsent d'une chaîne à l'autre sans qu'on puisse faire la différence entre les programmations offertes. » Dit l'instigateur de la pétition sur Internet. Plusieurs milliers de personnes ont jusqu'à maintenant signé. On dit que l'épisode du 21 mars avec Guylaine Tremblay serait la dernière pour l'émission. Pour l'instant, à moins que quelqu'un sauve l'émission, la page Facebook, c'est facebook.com/sauvons-snl-québec. Si ça vous intéresse d'aller signer, je peux vous dire si tout va bien. Le nombre de gens qui aiment en ce moment cette page, on est rendu à 3600 presque en date du 11 mars. Toujours au Québec, mais un petit peu aux États-Unis, le cinéaste Yves Simoneau qui tourne une série pour NBC. Le cinéaste Yves Simoneau se trouve actuellement à Vancouver pour préparer le pilote de Unveiled, un projet de série dramatique pour le réseau NBC. Une des vedettes du projet est l'acteur australien Liam McIntyre, tenant le rôle titre dans la série télévisée Spartacus. L'histoire d'Unveiled se concentre sur le parcours d'anges gardiens imparfaits qui interviennent auprès d'humains en crise dans l'espoir de les aider à recommencer à croire en eux et dans la vie. McIntyre incarnera l'ange gardien Michael Hunter, une tête brûlée parmi ses acolytes, selon un article paru dans le Hollywood Reporter. La distribution comprend aussi le Canadien Stephen James, qu'on a récemment vu dans le film Selma et qui a joué dans plusieurs autres films et des séries telles que The LA Complex, Degrassi, Home Again, etc. James sera également Jesse Owens dans le film biographique Race de Stephen Hopkins, tourné à Montréal en partie l'été dernier. Dans Unveiled, Stephen James interprétera Daniel Shepard, un ange gardien recrue qui tente de comprendre ce qu'est la souffrance humaine. Emporté par son empathie, son désir d'aider les autres, il contournera parfois les règles imposées par les siens. La distribution comprendra aussi Connie Nielsen, Will Kemp et Muzan Makar. C'est ce qu'on a appris. Et le tournage s'amorcera vers la fin du mois de mars à Vancouver et la post-production aura lieu à Los Angeles. Donc c'est un projet du cinéaste Yves Simoneau. On va au Canada avec CBC qui disculpe la journaliste Amanda Lang. Selon la presse canadienne, la CBC a disculpé la journaliste économique Amanda Lang, à qui on reprochait de s'être trouvée en position de conflit d'intérêts et d'avoir tenté de saboter un reportage sur la Banque royale du Canada. La rédactrice en chef de la CBC, Jennifer Maguire, affirme dans une note transmise aux employés que le reportage de Mme Lang sur le recours de la banque à des travailleurs étrangers temporaires respectait les normes journalistiques de l'institution. Mme Maguire a indiqué que l'enquête a été menée par Jack Nayer, le responsable de l'intégrité journalistique pour la CBC. Il s'était notamment attardé au contenu journalistique, à la conduite de l'employé et à son obligation de divulguer tout conflit d'intérêts possible. Une firme externe, Cornex Research, s'est aussi penchée sur l'affaire. Cet examen a toutefois permis d'identifier certains problèmes avec les règles de la CBC concernant les conflits d'intérêts, notamment en ce qu'elle laisse trop de place à l'interprétation. Le site Canada Land rapportait en janvier que Mme Lang entretenait une relation personnelle avec un membre du conseil d'administration de la Banque royale, ce qu'elle affirme avoir déclaré à son employeur. Le site web a aussi mis en lumière des accusations où Mme Lang a été payée pour prendre la parole lors d'événements commandités par la banque. La CBC avait pris la défense de Mme Lang en disant que ses discours avaient été autorisés et qu'elle ne contrevenait à aucune règle. Toujours au Canada, Crave TV va proposer sa première série originale. Le service de visionnement sur demande de Bell Media, Crave TV, a commandé sa première série originale canadienne. Letterkenny, une comédie en 6 épisodes de 30 minutes, est une création de Jared Kiso, qui est la vedette de la version anglaise de 19-2 en ce moment. Elle tiendra également le rôle principal de cette nouvelle série. La comédie s'inspirera de la série de courts-métrages de Kiso, Letterkenny Problems, qui a attiré des millions de visiteurs sur Internet. Comme la version en ligne, l'émission tournera autour d'un jeune homme de la campagne nommé Wayne, et de sa vie sur sa ferme de Letterkenny en Ontario. Kiso, qui est originaire de Listowel en Ontario, agira également à titre de producteur exécutif et de scénariste, tandis que Nathan Dales interprétera l'ami de Wayne, Daryl. Le tournage commencera cet été dans le nord de l'Ontario. Letterkenny qui a été commandé en partenariat avec Comedy Network, qui va également diffuser la série. Maintenant, on va aux États-Unis. La comédie de John Candy, L'Oncle Buck, va finalement être adaptée en série télé avec une distribution d'acteurs noirs. D'après The Hollywood Reporter, c'est Mike Epps qui va camper le rôle incarné par John Candy dans le film sorti en 89, tandis que Nia Long jouera le rôle de sa belle-sœur Alexis. Dans le film d'origine réalisé par John Hughes, John Candy incarnait le rôle du frère puéril du personnage de Garrett Brown, qui prend la responsabilité de s'occuper des enfants de son frère. Macaulay Culkin jouait le rôle d'un des enfants dans le film. Les Sacrifiés, aussi adaptés au petit écran, la franchise à succès et tout en muscle de Sylvester Stallone devrait faire son arrivée à la télé, a-t-on appris dans le site Deadline.com. La série d'action réunira les stars iconiques du petit écran. Ces dernières incarneront une équipe de héros qui auront pour mission d'arrêter un dangereux terroriste. C'est Fox qui devrait s'atteler à cette adaptation avec Sylvester Stallone comme producteur. Aucun membre de la distribution n'a été annoncé pour le moment. Les Sacrifiés est une saga de 3 films qui met en vedette les acteurs à gros bras d'Hollywood comme Sylvester Stallone, Jet Li, Mickey Rourke, Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger. Le retour de Alec Baldwin au petit écran. Maintenant, Alec Baldwin signe son retour dans une série dont le titre reste inconnu à ce jour. C'est ce qu'on a appris encore une fois via Deadline.com. Il en sera aussi le producteur exécutif aux côtés de Kerry Brokaw. L'acteur américain incarnera Joe Byrne, un promoteur immobilier milliardaire qui devient maire de New York à la mort de son prédécesseur. Il s'agit d'un personnage que l'on dit inspiré de Donald Trump, Michael Bloomberg et George Soros, selon les propos du principal intéressé rapportés par Bang Media International. Le projet sera porté par HBO et Universal Television. Ces dernières années, on a pu voir Alec Baldwin dans 30 Rock, entre autres. Maintenant, on parle de télé-réalité avec l'émission Sexbox. Vous avez peut-être entendu parler, faire l'amour devant des milliers de téléspectateurs et un public est maintenant possible dans l'émission Sexbox qui est diffusée par la chaîne WeTV aux États-Unis. L'objectif de cette production calquée sur le modèle britannique original est de refermer les cicatrices depuis trop longtemps ouvertes au sein des couples. Chaque soir, 3 couples viennent donc sur le plateau pour s'apprêter à faire l'amour dans une boîte. Avant ça, ces couples se présentent au public et aux téléspectateurs par le biais des questions de 3 experts, un sexologue, un psychologue et un pasteur. Après avoir fait l'amour dans cette fameuse boîte opaque et insonorisée, les couples se livrent à ces 3 experts. Il a été scientifiquement prouvé qu'après avoir fait l'amour, les gens sont plus enclins à se livrer, et c'est sur ce point que s'appuie l'émission Sexbox. C'était lancé le 27 février, c'est toutefois loin de faire l'unanimité, a déjà soulevé plein de mauvaises critiques depuis les premières diffusions, évidemment. On va voir si ça dure, Sexbox. Ça m'amène à parler d'une autre télé-réalité, mais c'est une énorme tragédie dans ce cas-ci. C'est l'écrasement d'hélicoptère qui a fait 10 morts en Argentine sur le tournage du jeu d'aventure Dropped. C'était lundi, dont la navigatrice française Florence Artaud. C'est la tragédie la plus mortelle jamais survenue dans l'histoire de la télé-réalité dans le monde. Trois des huit champions sportifs français recrutés pour cette nouvelle émission de TF1 sont morts lundi en Angleterre quand les deux hélicoptères affrétés à la production sont entrés en collision, selon les autorités locales. Plusieurs autres candidats de télé-réalité sont décédés pendant le tournage d'émissions de survie populaires dans de nombreux pays depuis une quinzaine d'années qui mettent les candidats parfois à rude épreuve. En France, la version française de Survivor Koh-Lanta en 2013 a produit, qui a été produit comme dropped pour TF1 par la société de production Alp, avait été interrompue après la mort d'un candidat, Gérald Babin, décédé d'une crise cardiaque lors du tournage de la 13e saison, suivi du suicide du médecin du programme. On avait parlé de ça à l'émission. Même si l'émission n'était pas en onde à ce moment-là, mais on faisait télévision ailleurs. L'émission est depuis revenue à l'écran l'automne dernier. En mai 2009, un candidat de la version bulgare du jeu de survie Survivor, Nuncho Vodenikarov, 53 ans, avait fait une crise cardiaque sur une île des Philippines lors d'une épreuve c'est ce qu'avait rapporté la presse à ce moment-là. Quelques mois plus tard, au cours de Survivor Pakistan, un des candidats, Saad Khan, 32 ans, s'était noyé devant les caméras et sous les yeux des autres candidats en plein tournage d'une épreuve de natation en Thaïlande. Il devait traverser le lac de Bangkok à la nage en étant lesté d'un sac de 7 kilos. Des choses dangereuses. Mais dans ce cas-ci, c'est un accident d'hélicoptère. Voilà. Bien triste. Décès du co-créateur des Simpsons. Maintenant, on termine sur des nouvelles pas mal tristes, là, mais Sam Simon, vous vous rappelez de son nom, on le voit dans le générique des Simpsons depuis toujours. Le co-créateur des Simpsons, qui a également écrit des épisodes pour Taxi et Cheers, est mort des suites d'un cancer du côlon à l'âge de 59 ans. Monsieur Simon, qui a développé la série culte de Simpsons à la fin des années 80 avec Matt Groening et James L. Brooks, est décédé dans sa résidence de Los Angeles, selon le magazine Variety. Sam Simon avait quitté le Simpsons en 93, mais est toujours crédité comme producteur exécutif de l'émission. Son indemnité de départ l'ayant mise à l'abri du besoin, il passait la plus grande partie de son temps dans des activités philanthropiques. Selon IMDb, une base de données du cinéma et de la télé, cette indemnité se chiffrerait autour de 10 millions de dollars par année. Il a obtenu 7 prix Emmy pour Les Simpsons et 2 pour son implication en tant qu'auteur dans l'émission The Tracey Ullman Show qui a mené vers Les Simpsons plus tard. C'est vraiment triste comme nouvelle. Et on termine avec quelque chose de pas mal moins important que les décès, c'est les cas d'écoute. Commençons avec le Québec, avec toujours la même ribambelle d'émissions. Position 15 à 6 en rafale, La poule aux œufs d'or, ensuite La Voix, Mémoire vive, 2014 revue et corrigée, Les enfants à la télé, LOL, Oh, La Voix, Lance et compte et Au secours de Béatrice, en 5e, c'est Yamaska, en 4e, 19-2, en 3e, Les beaux malaises, 2e, Unité 9, et en 1e, c'est La Voix. Du côté du Canada, anglais, 15 à 6 en rafale, Masterchef Canada, Two and a Half Men, Les nouvelles de CTV, Arrow, How to Get Away with Murder, Agent Carter, Hawaii Five-O, Gotham, Blue Bloods et The Flash. En 5e, c'est Criminal Minds, en 4e, CSI, en 3e, The Big Bang Theory, en 2e, NFL Super Bowl Puri Game, et en première place, c'est bien sûr le Super Bowl de la NFL avec 8 262 000. Du côté de La Voix, c'est 2 524 000. Voilà pour Television. Dans quelques instants, ce sera Merci Science. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce de J-Red, un artiste encore et toujours apprécié de l'émission. On écoute J-Red, voici Static Dash Zone. MPS, le Mathieu Plante Show sur ses fous. J-Red et Static Dash Zone. Bon, Mathieu Plante Show, tellement rapide comme chanson. Ça nous amène à parler de science. Voici Merci Science. C'est Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. On a plein de sujets à discuter. En fait, on a moins de sujets que d'habitude. Des sujets un petit peu plus scientifiques que mythiques. Ben, en fait, je dirais moins technologiques science que d'habitude. On débute avec le genre humain qui serait plus vieux de 400 000 ans. Il est difficile de dater certains événements importants sur l'arbre phylogénétique de la vie car les données de la paléontologie viennent souvent le chambouler. Ainsi, la découverte de récente d'un fossile d'hominine en Éthiopie a conduit les chercheurs à vieillir d'au moins 400 000 ans, la date de l'apparition du genre Homo. Vers la fin de l'année 1974, une équipe de trentaine de chercheurs éthiopiens, américains et français, co-dirigés par Donald Johnson, un paléoanthropologue, Maurice Taleb, géologue, et Yves Coppens, un paléontologue, conduisait des fouilles près d'Adar en Éthiopie, lorsque certains d'entre eux sont tombés sur des restes fossilisés affleurant d'une formation géologique au bord de la rivière Awash. Ce cours d'eau désormais mondialement célèbre prend sa source dans les plateaux d'Éthiopie, coule vers le nord dans la vallée du Grand Rift et la dépression de l'Afar et se jette dans le lac Abbé, proche de Djibouti. Désolé pour les prononciations. Qu'avaient donc découvert les chercheurs? Rien de moins que le fragment du squelette d'une Australopithecus afarensis, donc Lucy, vous connaissez son nom. Cette hominine vivait il y a environ 3,2 millions d'années. Jusqu'à présent, on pensait que le genre Homo n'avait émergé qu'un peu moins d'un million d'années plus tard avec Homo habilis, dont la descendance directe depuis Australopithecus afarensis n'était pas établie. Mais voilà qu'une équipe internationale d'anthropologues et de spécialistes en géosciences menée par des membres de l'Institute of Human Origins, fondé par Donald Johansson à l'Université d'État de l'Arizona, vient de sortir deux publications retentissantes dans le journal Science. Les paléo-anthropologues de l'Arizona State University explorent la région de Lady Giraru, proche d'Adar depuis 2002. L'un des buts des expéditions qu'ils y ont menées était de trouver des fossiles d'hominines correspondant à une période mal connue entre 3 et 2,3 millions d'années avant le présent. On dispose de très peu d'informations sur l'évolution qui a alors conduit du genre Australopithecus, qui contient plusieurs espèces et non seulement celles dont faisait partie lui aussi, au genre Homo. On peut donc imaginer l'excitation qui a envahi en janvier 2013 l'Éthiopien Chalachu Seyoum lorsqu'il est tombé, comme il le raconte dans une petite vidéo sur assemblagerequis.com, sur un fragment de mâchoire inférieure fossilisée portant des dents. Le doctorant en paléoanthropologie a immédiatement compris qu'il tenait dans ses mains un fossile d'hominine. Catalogué sous le code LD350, il a pu être daté parce qu'il se trouvait entre deux couches de sédiments contenant des cendres volcaniques. La méthode radiométrique basée sur les isotopes argon, d'accord, a permis d'établir que l'hominine dont provenait ce fragment de mâchoire était âgé de 2,75 à 2,8 millions d'années. La véritable surprise est venue quand le directeur de l'Institute of Human Origins, William H. Kimball, a examiné de plus près le LD350-1 avec ses collègues, parmi lesquels Brian Villmore de l'Université du Nevada à Las Vegas. La présence de molaires minces, de prémolaires symétriques et d'une mâchoire uniformément proportionnée est un signe distinctif du genre Homo qu'on retrouve notamment chez Homo habilis il y a 2 millions d'années. La pente du menton qui trahit le fragment de mâchoire est cependant une caractéristique simiesque primitive qu'on observe chez l'Australopithecus. La conclusion de Kimball est donc sans appel, c'est un excellent exemple d'un fossile de transition à une période critique de l'évolution humaine. Mais il y a mieux encore, ça nous permet de repousser d'au moins 400 000 ans la naissance du genre Homo, car les plus anciens fragments fossilisés connus jusqu'alors ne remontaient qu'à 2,3 millions d'années environ. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour, pour se faire une idée plus complète de cette espèce et pour répondre à des questions comme que mangeait-elle, utilisait-elle des outils de pierre. Les recherches vont se poursuivre, bien sûr. D'autres fossiles dans la région de Lady Giraru ont aussi été retrouvés et datés. Ils permettent de se faire une idée de l'environnement de l'époque il y a entre 2,84 et 2,58 millions d'années. Alors qu'autour de Hadar vivaient il y a 3 millions d'années des singes, des éléphants et des girafes, plus caractéristiques d'un milieu où prairies et forêts alternent, 200 000 ans plus tard, on trouve autour de Lady Giraru une faune et une flore signalant une période plus aride. Elle fait penser au Serengeti actuel, avec des gazelles et des zèbres, ou encore au Kalahari. De nouvelles et nombreuses espèces de mammifères ont aussi émergé rapidement. Cette période d'intense spéciation apparente a peut-être été causée par le changement climatique touchant l'Afrique de l'Est à cette époque, mais c'est difficile de dire s'il a vraiment joué un rôle dans l'apparition de l'Homo. C'est l'article de Futura Science. Même si vous ressemblez beaucoup à votre mère, une étude novatrice suggère que les humains et les mammifères en général sont plus proches génétiquement de leur père que de leur mère quand il s'agit de leur expression. Nous héritons de la même quantité de patrimoine génétique de chaque parent. Cependant, il semblerait que les gènes, provenant du côté paternel soient plus susceptibles de passer à l'action, à en croire une étude parue dans la revue Nature Genetics. Les résultats de cette recherche menée sur des souris pourraient avoir d'importantes répercussions sur l'étude des maladies humaines, car ils révèlent que les mutations génétiques dont on hérite pourraient avoir des conséquences différentes selon qu'elles proviennent du père ou de la mère. Ces mutations génétiques sont associées à des maladies complexes comme le diabète de type 2, les maladies cardiaques, la schizophrénie, l'obésité et de nombreux cancers. Je cite, c'est une nouvelle découverte scientifique exceptionnelle qui rend possible une nouvelle zone d'exploration de la génétique humaine, nous explique le docteur Fernando Pardo Manuel Lena, spécialiste en génétique responsable de cette étude. La communauté scientifique sait depuis un certain temps que 95 gènes s'expriment différemment selon le parent dont ils proviennent, comme le note le chercheur, mais les nouveaux résultats révèlent que ce serait aussi le cas pour des milliers d'autres gènes. Pour mener leur étude, l'équipe de chercheurs a travaillé avec trois souches de souris à fort taux de consanguinité et au patrimoine génétique divers, descendant de sous-espèces qui avaient évolué sur différents continents. Leur progéniture représentait 9 hybrides et chaque souche a été utilisée tant pour produire des mères que des pères. Les chercheurs ont évalué leur expression génétique grâce à 4 types de tissus prélevés chez les souris adultes, notamment des cellules de cerveau. Ensuite, ils ont pu déterminer quelle quantité d'expression génétique provenait de la mère ou du père, et ce pour chaque gène compris dans le génome, qui est l'ensemble du matériel génétique d'un individu codé dans son ADN. Selon l'auteur James Crowley de l'Université de Caroline du Nord, je cite, « Nous avons trouvé qu'une majorité des gènes, environ 80%, possédaient des variantes qui altéraient l'expression génétique. Nous avons découvert un nouveau déséquilibre d'expression au niveau du génome pesant en faveur du père pour plusieurs centaines de gènes. Ce déséquilibre donnait lieu à des descendants dont l'expression génétique cérébrale était considérablement plus proche de celle de leur père. » Grâce à ces recherches, les scientifiques disposent désormais de modèles génétiques de souris très divers qui prennent en compte l'origine des parents et permettront une approche plus ciblée des causes des maladies et des traitements possibles à l'avenir. Et finalement, un nouveau matériau miracle de l'électronique, c'est le phosphore noir. Faire toujours plus petit et toujours plus rapide, c'est le défi des fabricants de matériel électronique. Une étude menée par une équipe de chercheurs américains pourrait bien leur offrir de nouvelles opportunités grâce au phosphore noir. Dans un article dans Nature Photonics, on dirait la nature des photons, des futons, genre. Nature Photonics. Des chercheurs du département de génie électrique et d'informatique de l'Université du Minnesota aux États-Unis annoncent avoir observé une transmission de données à grande vitesse dans des circuits optiques à l'échelle nanométrique. Un résultat obtenu grâce à un montage à base de films ultra minces de phosphore noir d'une épaisseur de 20 couches atomiques seulement. Le phosphore est un élément très réactif. On en trouve au bout des allumettes, mais surtout dans de nombreux engrais minéraux. Il peut aussi se présenter sous une structure cristalline particulièrement stable, similaire à celle du graphite. On le désigne alors sous le terme de phosphore noir, et c'est que très récemment que les chercheurs se sont rendus compte de ses propriétés semi-conductrices. Aujourd'hui, les utilisateurs attendent de leurs appareils électroniques qu'ils soient de plus en plus petits et rapides. Le défi majeur lancé aux chercheurs est donc de permettre aux processeurs de plus en plus nombreux au cœur des puces électroniques de communiquer entre eux efficacement et à grande vitesse. Pour ce faire, ils se sont orientés vers des matériaux qui permettent un haut débit basé sur la lumière. C'est dans ce cadre que l'équipe américaine de l'Université du Minnesota a eu l'idée d'utiliser du phosphore noir pour concevoir un circuit optique complexe. Les propriétés optoélectroniques de ce matériau à deux dimensions laissaient en effet espérer que l'interaction avec la lumière serait ainsi maximisée. Et ce fut le cas puisque le dispositif s'est montré plus efficace que ceux mis au point précédemment à base de graphène, par exemple. Les performances des photodétecteurs à base de phosphore noir rivalisent même avec celles de systèmes à base de germanium, considérés comme le must de la photodétection. Une aubaine, car le germanium est délicat à mettre en œuvre sur des circuits optiques de silicium, alors que le phosphore noir, comme d'autres matériaux à deux dimensions, peut être produit séparément, puis transféré sur le support sans aucune difficulté. Ce qui rend par ailleurs le phosphore noir particulièrement intéressant, comparé notamment au graphène, ce sont ses propriétés semi-conductrices. Le phosphore noir présente en effet une bande interdite. Il ne devient donc conducteur qu'à condition que ses électrons absorbent suffisamment d'énergie, donc chaleur-lumière, pour sauter cette bande interdite. Dans le cas du phosphore noir, la largeur de cette bande peut être réglée de manière relativement aisée en faisant varier le nombre de couches atomiques empilées. Il peut ainsi absorber de la lumière aussi bien dans le domaine du visible que de l'infrarouge, une propriété qui ouvre un vaste champ d'usage possible. Par ailleurs, le phosphore noir fait déjà partie de la catégorie des semi-conducteurs dits à gap direct et est donc potentiellement capable de convertir également un signal électrique en lumière. Combiné avec les propriétés citées précédemment, celle-ci pourrait permettre d'utiliser ce matériau miracle pour produire de la lumière au cœur d'un circuit optique. Je cite, c'est passionnant de penser qu'un unique matériau peut être utilisé pour envoyer et recevoir des données optiques sans être limité à un certain substrat ou à une longueur d'onde spécifique. Pour la communication à grande vitesse entre processeurs et pour l'industrie informatique, le phosphore noir a un potentiel énorme. D'autant plus que, selon le chercheur, le système peut encore être optimisé. On n'est même pas encore rendu au maximum de cette nouvelle découverte. Voilà. Le phosphore noir. Voilà pour Merci Science. Tout à l'heure, ce sera le segment Geek CNX où on va parler de technologie informatique et jeux vidéo, un petit peu plus compréhensible pour certains et par moment. Mais avant ça, on s'en va entendre un extrait de Motion Ride qui s'appelle Vampire Killer. Ça s'en vient dans quelques instants. Le temps de vous dire que tous les liens des articles d'aujourd'hui sont sur assemblagerequis.com. Hein? C'était un beau moment, ça. Un beau moment. Assemblagerequis.com. Bah oui. Vous êtes au Mathieu Plante Show sur C'est fou. Découverte. Bon, c'est toujours au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. On va être rendu à notre moment où on fait la série musicale. Oui, on serait pas rendu là d'habitude, mais on est rendu là, parce que c'est le même. Hein? Donc, on va entendre notre série Spin Dash Supersonic Remix Album from Game Chops. C'est l'étiquette de musique de jeux vidéo qui vient de sortir Spin Dash, un album hommage sous licence de Sega, donc officiellement sanctionné. Et c'est un hommage à la musique de la série de jeux vidéo Sonic the Hedgehog. C'est produit par DJ Cutman avec 16 remixeurs dans différents genres, du dance au drum and bass, au dubstep, au trance. Et ça réimagine, ça redessine musicalement l'historique musical Sonic the Hedgehog. Donc on va entendre les pièces 4, 5 et 6, c'est là qu'on est rendu. On va entendre d'ailleurs la personne derrière tout ça, DJ Cutman, plus tard là-dedans. Ça va être cool, mais avant ça, il va y avoir Fanatic Hero. Et on va débuter avec Flex Style. Voici Anti-Freeze au Mathieu Plante Show, 89 FM. Cutman et Arabian Skies, basé sur Sonic the Hedgehog Starlight Zone. Avant ça, c'était Fnatic Hero et Proud sur Sonic 2, Aquatic Ruin Zone et Ice Cap Zone. Et on débute avec Flex Style et la pièce Antifreeze, basée sur Sonic 3, Ice Cap Zone et Chemical Plant Zone. Dans le Mathieu Plante Show, c'est la série musicale Spin Dash Super Sonic Remix Album from Game Chops. On va sûrement pouvoir continuer cette série-là tout à l'heure plus tard dans l'émission. Mais avant ça, c'est le segment Geek Scenic. La chronique de la bulle geek, la radio. tech.com. C'est Alex, c'est la chronique dans laquelle on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo pour se greffer sur les propositions de l'Oculus Rift et les autres. La startup Feel Real mise sur une promesse ambitieuse qui est de présenter un accessoire de réalité virtuelle assurant une immersion totale. Le casque de réalité virtuelle tel qu'on se le présente aujourd'hui masque le haut du visage, à savoir les yeux et une partie du front, et se dote parfois d'un casque audio pour diffuser un son en accord avec l'image. Les concepteurs de la startup Feel Real ont décidé d'aller plus loin en délivrant en plus des odeurs, de la vapeur d'eau, des vibrations et de l'air chaud. Un microphone est aussi intégré pour faciliter la communication. L'appareil imaginé par Feel Real n'est pas un casque de réalité virtuelle, mais un accessoire supplémentaire qui se connecte sur différents modèles pour étoffer l'expérience. L'appareil est compatible avec le Oculus Rift, le Gear VR de Samsung, le Zeiss VR One et le Sony Morpheus, bien que ce dernier ne soit pas encore disponible sur le marché. Pour l'instant, on ne sait pas quelles sont les possibilités concrètes de Feel Real lorsque l'accessoire sera commercialisé. Il est actuellement en précommande au prix de 250$ sous la forme d'un kit de développement permettant aux concepteurs de logiciels et d'applications d'adapter leur contenu en réalité virtuelle pour être utilisé avec le Feel Real. 7 odeurs seront disponibles au lancement. L'océan, la jungle, le feu, l'herbe, la poudre, les fleurs et le métal. Le reste des sensations sera également paramétrable. Les développeurs pourront disposer du casque à partir de l'été 2015. La commercialisation pour le grand public ne devrait quant à elle intervenir qu'en fin d'année. Il y a encore donc le temps de se préparer psychologiquement à avoir le visage entièrement enfermé dans ce simulateur portatif. Le manufacturier nord-américain Goodyear a dévoilé un concept de pneumatique automobile combinant des composants thermoélectriques et piézoélectriques qui transformerait la chaleur et le mouvement en électricité, donc apporter un appoint d'énergie susceptible de prolonger l'autonomie des véhicules électriques. Il y a quelques mois, on évoquait les travaux conduits aux États-Unis par les chercheurs de l'Oak Ridge National Laboratory du département de l'énergie. L'équipe est parvenue à extraire du noir de carbone à partir de pneus usagés, puis s'en est servi pour fabriquer l'anode d'une batterie lithium-ion. Dans une approche radicalement inverse, Goodyear travaille actuellement sur un pneu capable de produire de l'électricité afin de charger les batteries d'une voiture électrique ou hybride. Lors du salon automobile de Genève qui a débuté la semaine dernière, le manufacturier a dévoilé que ce qui n'est encore qu'un concept baptisé BH03. Ce pneu associerait des composants thermoélectriques et piézoélectriques. Pour les premiers, il s'agirait d'une texture de gomme dite ultra noire, capable d'absorber la chaleur produite lorsque le véhicule est stationné et que le pneu est chauffé par le soleil. Dans le cas des composants piézoélectriques, il est question d'un tressage incorporé dans la carcasse qui réagirait au roulage et à la déformation du pneumatique. Goodyear ne fournit aucune donnée précise sur les performances du BH03, se contentant d'indiquer qu'il pourrait prolonger l'autonomie d'une voiture électrique. La récupération d'énergie reste l'un des axes de recherche cruciaux pour les constructeurs. Ce pneu Goodyear semble donc être une idée séduisante, tout de moins sur le papier. Cependant, de nombreuses questions techniques demeurent, notamment au niveau du système de conversion et d'alimentation de la batterie. Le concept laisse penser que le pneu devrait être associé à une jante spécifique qui puisse faire la liaison avec le module de récupération d'énergie. On ignore également si la production d'électricité serait corrélée à la vitesse du véhicule. D'ailleurs, Goodyear ne s'avance nullement sur une quelconque date d'arrivée d'un tel produit. Ce projet en rappelle un autre sur lequel planche la marque allemande Audi. Son département de recherche et développement explore la possibilité d'utiliser les amortisseurs de la voiture pour produire de l'électricité. À l'instar d'un système de récupération de l'énergie cinétique, l'idée est de capter la chaleur produite par l'échauffement de la suspension, qui selon Audi pourrait atteindre entre 100 et 125 degrés Celsius. Audi aurait mis au point un amortisseur incorporant un générateur synchronisé avec le mouvement mécanique de la pièce, mais là encore, le constructeur n'évoque aucune feuille de route précise. Lancé en 2013, le premier smartphone respectueux de l'environnement et des personnes qui le fabriquent avait rencontré l'adhésion du public. L'équipe néerlandaise qui porte ce projet annonce l'arrivée d'un Fairphone 2 pour la rentrée prochaine. Compatible 4G, il pourrait adopter un OS alternatif à Android, comme Firefox OS, OS ou encore Ubuntu Phone. Le calendrier se précise pour le Fairphone 2 sur son blog à la fin de mi-février. Voyons, pourquoi j'ai dit à la fin. La société hollandaise derrière le smartphone équitable et intègre prévoit de lancer un nouveau modèle au cours de la seconde moitié de l'année. Sa commercialisation devrait débuter juste après les vacances d'été. Pour ce nouveau Fairphone, l'entreprise néerlandaise a des ambitions bien plus importantes. Alors que la première génération de téléphone s'est écoulée à 60 000 unités, la seconde sera trois fois plus importante. Il est en effet question de produire 200 000 exemplaires du Fairphone 2 d'ici la fin de 2016, dont 50 000 rien que pour le second trimestre de cette année. Comme pour le premier Fairphone, c'est le marché européen qui sera privilégié. D'abord, les livraisons seront réservées en priorité aux clients du vieux continent, mais l'année prochaine, les responsables du projet souhaitent vendre le mobile ailleurs dans le monde. Les caractéristiques techniques du Fairphone 2 ne sont pas connues. On sait juste que le téléphone devrait disposer d'une connectivité 4G afin d'être dans la tendance du très haut débit mobile. Il est hautement probable que le système d'exploitation sera encore Android, bien que la société néerlandaise songe à proposer des plateformes alternatives. Par rapport au Fairphone, le nouveau modèle sera encore plus exigeant sur ses principes, comme le commerce équitable et le respect de l'environnement. L'entreprise à l'origine du projet ne cache pas d'ailleurs qu'elle a encore des progrès à faire pour obtenir un produit 100% intègre, équitable et écologique, même si la première génération a déjà fait un pas notable dans la bonne direction. On vient avec après les ballons. Tiens, Google compte sur les drones pour apporter l'internet aux régions reculées. Le géant des moteurs de recherche avait déjà volé la vedette en début de semaine la semaine passée au Mobile World Congress de Barcelone en dévoilant ses projets de téléphonie cellulaire à petite échelle aux États-Unis. Donc son numéro 2, Sundar Pichai, a annoncé qu'on espérait bâtir d'ici une décennie un réseau qui fournirait l'internet à 4 ou 5 milliards d'humains. Depuis 2 ans, Google teste des ballons atmosphériques qui sillonnent l'hémisphère sud pour fournir un réseau cellulaire. Le projet Loon a permis de constater que ces ballons, dont l'équipement est alimenté par des panneaux solaires, pouvaient rester jusqu'à 200 jours dans l'atmosphère, selon ce que rapportent divers médias spécialisés. L'exploit est d'autant plus remarquable que ces ballons volaient à peine plus de 5 jours à leur début. En novembre dernier, selon M. Pichai, plus de 80 de ces ballons étaient dans l'atmosphère en même temps. On continue d'en envoyer 10 nouveaux par semaine. On a aussi profité de l'occasion pour annoncer une nouvelle étape, le projet Titan, qui permettrait une couverture cellulaire plus étendue et plus flexible. La clé, c'est des drones alimentés à l'énergie solaire provenant de l'entreprise Titan, acquise en avril 2014. Selon le vice-président de Google, les téléphones intelligents seront tellement abordables d'ici quelques années que près de 2 milliards d'humains pourraient en avoir un. Le projet de Google de devenir un opérateur mobile aux États-Unis est un élément d'une stratégie plus vaste. C'est de créer une infrastructure principale, donc un backbone, une colonne vertébrale à laquelle vont se brancher d'autres fournisseurs. Comme on l'a fait avec la gamme de téléphones Nexus, on ne veut pas entrer en compétition avec d'autres entreprises, mais plutôt montrer ce qui est possible technologiquement. Un de ces défis est de combiner tous les réseaux Wi-Fi, cellulaire, fibre optique pour obtenir une couverture maximale aux usagers. On prend une pause, une deuxième partie de CNX dans quelques instants, mais pour l'instant, on écoute Joshua Morse. On continue notre série en concert Spin Dash. C'est Stardust, basé sur Stardust Speedway, au Mathieu Planchot. We'll be right back. Joshua Moore, c'est Stardust, basé sur Stardust Speedway, dans la série Spin Dash au Mathieu Plante Show. On continuera tantôt parce qu'on va faire ça pour le reste de l'émission du Spin Dash aujourd'hui apparemment, mais pour l'instant on retourne à CNX. On était en train de parler de technologie, de jeux vidéo, d'informatique, et 1 milliard de jeunes sont menacés de troubles auditifs. 1 milliard de jeunes dans le monde risquent de perdre leur acuité auditive, notamment à cause des baladeurs numériques. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé souhaite attirer l'attention sur cette épidémie. Les baladeurs numériques, téléphones intelligents et tous les dispositifs audio personnels sont en cause, mais aussi les niveaux sonores nocifs qu'on retrouve dans les boîtes de nuit, les concerts ou les événements sportifs. Les données de nombreuses études dans les pays industrialisés et même les pays à revenus intermédiaires montrent que la moitié des adolescents et des jeunes adultes s'exposent presque quotidiennement à des niveaux sonores dangereux. Les risques augmentent selon les niveaux sonores et la durée de l'écoute. L'intensité sonore ne devrait pas dépasser 85 décibels pour 8 heures d'écoute. À 100 décibels, les dommages peuvent survenir au bout de 15 minutes. Le directeur du département des maladies non transmissibles et des handicaps à l'OMS, Étienne Krug, estime que le danger n'est pas suffisamment connu. L'audiologiste Julie Barry a participé à une étude en 2008 sur les risques des baladeurs numériques chez les jeunes de secondaire à Québec et quelques 50% des 124 jeunes qui ont participé à l'étude écoutaient leur baladeur à 100 décibels ou plus. Le même pourcentage présentait des signes de perte auditive comme les acouphènes, des bourdonnements et soufflements qu'on entend. Avec le temps, ces acouphènes deviennent permanents et s'accompagnent d'une diminution de l'audition. Les acouphènes causent des difficultés de concentration, des pertes de sommeil et l'augmentation du stress. La perte d'audition elle-même complique la vie sociale et professionnelle et il n'y a pas de solution miracle. Julie Barry suggère de choisir de bons écouteurs qui peuvent couper le son ambiant. Avec une bonne qualité de son, on est moins porté à augmenter le volume. Elle suggère aussi de protéger ses oreilles lors d'un concert rock ou d'une manifestation sportive en se tenant loin des enceintes ou en portant des bouchons. C'est sûr, c'est des écouteurs que tu as achetés genre en bas de 10$ et qu'il faut que tu les montes au max pour entendre quoi que ce soit. C'est selon Radio-Canada, cet article. On va au Mobile World Congress. Alors que le paiement mobile s'annonce comme l'une des évolutions majeures du quotidien des consommateurs, la sécurisation des terminaux est un enjeu capital. Les systèmes biométriques basés sur l'identification des empreintes digitales ou de l'œil sont amenés à se généraliser. Au Mobile World Congress, plusieurs technologies concurrentes s'affrontent déjà. Le Mobile World Congress, qui avait lieu la semaine passée à Barcelone, en Espagne, apporte sa déferlante de nouveautés en matière de smartphones, tablettes tactiles, solutions de paiement mobile et autres objets connectés. Un peu moins sous les projecteurs, la biométrie est un thème qui gagne en importance à mesure que les terminaux mobiles deviennent des éléments centraux de l'activité numérique, personnelle et professionnelle. Ces appareils doivent bénéficier d'une sécurisation accrue alors qu'ils détiennent une quantité croissante d'informations sensibles comme vos contacts, photos, vidéos, accès à des services en ligne, et qui sont amenés à... Pardon. Pardon encore. Ouf. Donc, preuve de cet enjeu, Apple et Samsung ont d'ores et déjà adopté des systèmes de lecture des empreintes digitales sur leurs smartphones, mais cette technologie est loin d'être infaillible, comme l'ont prouvé les hackers du Chaos Computer Club en piratant le système Touch ID de l'iPhone 5S en seulement 24 heures après sa commercialisation. Pour autant, il est... Calme. Ben, ouais, c'est le fun, hein, comme émission, mais on va retourner en musique. Pas le choix. On revient tantôt avec plus de nouvelles. C'est le fun. On prend la pause, puis tout ça, puis... C'est de prendre soin de ma personne quelques instants. On écoute Rob Cap, Summer Knocking. We'll be right back. parfum. Ben Briggs et Amy's Toxic Cave, VIP Mix basé sur Sonic Spinball Toxic Caves. Avant, c'était Rob KTA avec Summer Knocking, Knuckles Chaotix, Door into Summer. Et avant, c'était Joshua Morse et Stardust sur Sonic CD Stardust Speedway. Évidemment, à la fin, ce que j'ai, c'est les pièces qui ont inspiré ces jeux-là parce qu'on écoutait Spin Dash Supersonic Remix Album from Game Chops qui comprend tellement de pièces, 16 remixeurs qui ont refait les chansons de Sonic the Hedgehog en général. Oui, il reste un peu de contenu, même si, tu sais, vous savez, CNX, le segment Geek CNX, à l'origine, ça voulait dire la connexion. Aujourd'hui, ça serait plus la congestion, je pense. Voici, c'est un fait, Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Je vais pouvoir durer un petit 10 minutes, t'sais, sans morver partout dans le studio. Donc commençons par le 19 février, c'est là qu'on était rendu, on avait pris un petit peu de retard avec C'est un fait Tech Edition, où on retourne dans le temps voir ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Donc c'est il y a deux semaines et il y a trois semaines dans l'histoire, genre. Le 19 février, en 1878, Thomas Edison recevait un brevet, le numéro 200521, pour le phonographe. Son premier enregistrement était Mary Had a Little Lamb, parlé dans un grand appareil qui retransmettait les vibrations à une aiguille qui coupait un enregistrement, gravait un enregistrement sur un cylindre qu'on faisait tourner à la main. C'était en 1878. Et en 2014, complètement différent, mais toujours en communication, c'est Facebook qui annonçait qu'il allait acheter le service WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Le 20 février 2004, le iPod mini d'Apple arrive dans les magasins d'Apple et en ligne. C'était la première variation du iPod, donc en 2004. Et le 20 février 2013, Sony annonçait la PlayStation 4 sans donner de prix ou même de montrer ce dont aurait l'air le matériel de la console. C'était juste, la PlayStation 4 s'en vient, c'est en 2013. Le 21 février 1947, Edwin H. Land faisait la démonstration de sa caméra instantanée à une seule étape lors d'une réunion de l'Optical Society of America, la première caméra Polaroid qui allait être en vente 2 ans plus tard environ. Et en 1986, The Legend of Zelda, le premier de la série, est sorti en fait au Japon pour les consoles Famicom, c'est l'équivalent de la NES au Japon, donc de Nintendo, c'était en 86. 22 février 1995, le président américain Bill Clinton signait un executive order demandant la déclassification des images acquises par Corona, Argonne et Lanyard, donc des satellites de reconnaissance, de photoreconnaissance. Plus de 860 000 images de la surface de la Terre ramassées entre 1960 et 1972 étaient donc devenues publiques à ce moment-là. Le 23 février 1893, l'Imperial Patent Office de l'Allemagne, donc le bureau des brevets, a donné à Rudolf Diesel le brevet numéro 67207 pour un nouveau système de moteur thermique efficace. Maintenant, on appelle ça le moteur diesel, bien sûr. En 1927, le président américain Calvin Coolidge signait la loi publique numéro 632 établissant la Federal Radio Commission, qui plus tard a été renommée la Federal Communications Commission. Le 24 février 1955, garçon, c'est rare que je parle de naissance. C'est vraiment très très rare, même presque jamais. J'aime pas vraiment parler de ça dans cette chronique-là, c'est pas vraiment ce que je fais. Mais quand même, le 24 février 1955, c'est assez important. Un garçon est né. Des étudiants de l'Université de Wisconsin, des gens qui avaient gradué, en fait, Joanne Simpson et Abdul Fattah Jandal. Il a été donné en adoption. A été adopté donc par un homme et une femme de Mountain View en Californie. Ils l'ont nommé Steve Jobs. C'est quand même assez important. Et en 2014, Samsung a annoncé le Galaxy S5 avec un truc pour surveiller le pouls, heart rate sensor. Et c'était à l'épreuve de l'eau et de la poussière. Le 25 février 1837, le bureau des brevets américains a approuvé l'application de Thomas Davenport, pardon, un brevet pour améliorer les machineries par magnétisme et électromagnétisme, on appelle ça aujourd'hui le moteur électrique. Le 26 février 1896, en espérant tester la capacité du soleil à créer des rayons X, Henri Becquerel a placé une plaque photographique enveloppée dans un tiroir de son bureau avec des roches d'uranium phosphorescent dessus. Il a laissé ça dans son tiroir pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le soleil sorte. Et on va voir le résultat dans les prochains jours, en fait, à cette date-là. On vous le dira dans un prochain fait, si tant mieux, je l'ai vu tantôt. Ensuite, en 1935, le physicien écossais Robert Watson Watt, tu t'appelles Watson Watt, a fait la démonstration d'un système Radio Detection and Ranging, donc à la Air Ministry de Daventry, en Angleterre. C'est le système qu'on appelle maintenant radar, qui a été très utile plusieurs années plus tard, lorsque la guerre a débuté. Donc, le Radio Detection and Ranging... Voilà, donc le radar. Le 27 février 1986, le Sénat des États-Unis a voté pour approuver que ces débats soient télévisés sur une base de test, d'une base d'essai. Et l'essai a été un succès, donc on a commencé à télédiffuser les débats politiques. C'est en 1986. Le 28 février 1947, la première diffusion à circuit fermé d'une opération chirurgicale montrait les procédures aux personnes qui observaient dans une classe, dans plusieurs classes en fait, de Johns Hopkins University. Ça, c'était en 1947. En 1954, la Westinghouse H840CK15 a été vendue pour la première fois dans le coin de New York. On dit que c'est la première télévision NTSC à utiliser la couleur qui était donc offerte au public. Seulement 30 téléviseurs ont été vendus à 1295$ chaque américain de l'époque. Le 1er mars 1896, Henri Becquerel, on en parlait tantôt, a découvert des images que les roches d'uranium avaient fait apparaître. Non, l'image des roches d'uranium était apparue sur une plaque photographique sans être exposée au soleil, donc dans le tiroir de son bureau, comme on disait tantôt. Il avait donc découvert la radiation naturelle. En 1995, un petit peu plus d'un an après avoir démarré un site web en janvier 1994, Jerry Yang et David Filo ont incorporé Yahoo. Hein? Et en 2006, le Wikipédia en version anglophone est arrivé à son 1000e article, Jordan Hill Railway Station. Le 2 mars 1983, CBS Records lançait la première campagne de marketing majeure pour les disques compacts en lançant 16 titres. Les CD étaient vendus au public depuis le mois d'octobre au Japon. Et en 2004, le site de Critique Engadget, de critique et de nouvelles, a été lancé avec un billet sur T-Flash, une nouvelle sorte de carte mémoire. C'était le fondateur Peter Rojas qui avait posté ça sur Engadget en 2004. Le 3 mars 66, la BBC annonçait ses plans de commencer à diffuser des émissions de télé en couleur l'année suivante. Ça allait être le premier diffuseur européen à fournir des diffusions couleur sur une base régulière. Donc c'est en 1966. 4 mars 2000, la PlayStation 2 de Sony était en vente au Japon. Et en 2007, c'était le jour des élections en Estonie. Estonie, c'est bien ça? Et pour la première fois du monde, les gens qui votaient avaient le droit de participer sur Internet. Environ 30 000 personnes ont profité de ce vote électronique. On devait voter 3 jours avant le jour des élections. Estonie... Pour être sûr. Oui, voilà. Le 5 mars 1975, le Homebrew Computer Club a eu sa première réunion dans le garage de Gordon French à Menlo Park, en Californie. 32 personnes se sont présentées à la première réunion de ce Computer Club Homebrew. C'était Steve Wozniak et Steve Jobs, qui étaient les membres les plus célèbres maintenant de ce club. Le 6 mars 2012, Google consolidait tous ses magasins en ligne, le Android Market, le Google Books, Google Music et Google Video en un seul magasin nommé Google Play. On va au... on saute les plusieurs jours, on s'en va au 10 mars. Ça, c'était hier pour nous en direct. Le 10 mars 1876, Alexander Graham Bell a dit les mots immortels « Mr. Watson, come here, I want you ». Monsieur Watson, venez ici, je vous veux. J'ai besoin de vous, là, genre. Par téléphone, à son laboratoire, dans son laboratoire de Boston, il demandait à son assistant de venir le rencontrer alors qu'il était dans la pièce d'à côté. C'est le premier rappel téléphonique à vie. On dit aussi que c'est la première fois que quelqu'un criait ou disait quelque chose, contactait quelqu'un par une façon autre que juste se lever debout pour aller lui parler. Et en 2000, le Nasdaq s'est rendu à 5048,62, le plus haut point du boom, ce qu'on appelle le dot-com boom. Après ça, la bulle a explosé le lendemain, donc le 11 mars aujourd'hui. Le 11 mars, c'était en l'an 2000, le gros boom de tout ce qui est .com et nom de domaine et internet et commerce en ligne. Voilà pour C'est un fait Tech Edition, ce qui nous laisse assez de temps pour encore une fois retourner en musique, et ça va compléter l'émission là-dessus. On va entendre d'autres pièces de notre superbe collection Spin Dash, Supersonic Remix Album from Game Chops. On n'aurait jamais passé aussi rapidement à travers une série, parce qu'on va avoir comme la moitié du CD d'écouter déjà, du CD, de la compilation, là. CD, pas tant quelle année, ça. Donc écoutons DJ Joe. Quand tu cherches un nom de DJ, DJ Joe, c'est assez de base. Voici Green Hill Step, basé sur Green Hill Zone, MPS, le Mathieu Plante Show. Ça, c'est fou. Ah, mes préférés, bon, c'est là. Ah, yeah. Basé sur Sonic the Hedgehog Marble Zone. Avant, c'était DJ Joe et Green Hill Step, basé sur Sonic the Hedgehog Green Hill Zone. Voilà pour cette série qui s'appelle encore une fois Spin Dash Super Sonic Remix Album from Game Chops. Nous, c'est la fin du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir survécu avec moi. Et on se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 13h à 15h, en rappel les jeudis de 17h à 19h, j'espère moins enrhumé. Je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis lundi au jeudi à 6h30 et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès C'est Fou les mercredis à 15h, cif.ca, assemblagerequis.com, facebook.com, baromètre Mathieu Plante Show de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante et vous avez été planté! Bye bye!